Chapitre 27e, la jolie piste. Comme le ministre et le détective atteignaient, sortant de l'ascenseur, la porte de Simonet, Paul Labroca arrêta respectueusement, mais d'un geste prompt, la main de M. Desboisbilly, qui allait appuyer sur le bouton électrique. « Pardon, monsieur le ministre, » fit le détective. « Une seconde, je vous prie. » Le ministre arrêta son mouvement, il l'attendit. Alors Paul Labroca se mit à sentir l'air, à flairer sur le palier. Il approcha son nez du bouton électrique, de la porte, se pencha presque sur le tapis. Puis, se relevant, « Puis-je vous demander, monsieur le ministre, si vous ne sentez rien ?» Le ministre se prêta complaisamment à l'épreuve. Pour répondre convenablement à la question du détective, il l'imita et se mit aussitôt à renifler l'air. « Hum, » fit-il enfin, « ça sent bon, odeur de femme. Mais cela est tout naturel dans l'appartement d'un garçon. Oui ?» Mais cette odeur de femme, assez caractéristique, spéciale, vous ne la reconnaissez pas. Elle ne vous rappelle rien? Ma foi, non. C'est qu'alors mon nez de limier la peut seule reconnaître. C'est le parfum blond. Le parfum blond. Oui, monsieur le ministre. Cette odeur de femme, ce parfum blond, nous annonce un gros événement. Quel événement? Qui peut faciliter notre tâche, nous éclairer tout de suite, définitivement. Nous donner la solution de la douloureuse énigme pour laquelle nous sommes ici. Entrons. Nous allons trouver, si j'ose dire, la pionie. » Paulin Broquet, tout en sonnant, ajouta tout bas, presque à l'oreille de M. Desboisbilly, « Pie, oiseau coquet, ayant de beaux yeux bleus, mais voleur, néfaste. » Le valet de chambre s'effaça pour permettre au ministre de passer. Lui, dès qu'il fut entré, saisit par le bras le domestique, qui fermait la porte, et vivement il lui demanda, « Elle est là ? Qui donc, monsieur ? Elle. Elle, je ne comprends pas. Pas de mystère avec moi. Elle, la femme blonde, qui est venue ici il y a quelques instants, elle est encore là. Il est venu ce matin plusieurs dames, je ne sais de laquelle monsieur veut parler. » Paulin Broquet n'insista pas. « Voyez, dit-il au valet de chambre, si monsieur Simonet peut recevoir monsieur le ministre. » Le valet de chambre s'éclipsa. Paulin Broquet alors tourna la clé de la porte d'entrée, il ferma la serrure, et tout bonnement mit la clé dans sa poche. « La voilà en cage, » fit-il. Mais il s'était de nouveau mis à renifler. C'était décidément une manie chez lui, comme celle de se gratter le menton. Son flair l'attira jusqu'à une console sur pied doré surmontée d'une longue glace. Sur le marbre de la console se trouvait un de ces papiers glacés, transparents, dont les fleuristes entourent les fleurs qu'on emporte. Ce papier était froissé, déchiqueté. On l'avait arraché violemment pour en dégager le bouquet qu'il protégeait, et on l'avait posé là, au hasard. Paul Labroquet prit ce papier, il le flaira. « Bon, » fit-il, « plus de doute. » Présentant le papier glacé à M. Desboisbilly. « Veuillez sentir, monsieur le ministre. » Le papier tenu longtemps dans la main a gardé plus que de celle des fleurs la trace du parfum blanc spécial de la femme aux yeux de pie. « Vous ne le reconnaissez pas encore ?» Le ministre approcha le papier glacé de son visage, le sentit à diverses reprises. « En effet, ce papier est très parfumé, mais je ne distingue pas. » Comme au bout du couloir formant antichambre, le domestique venait de dire que son maître était tout heureux de pouvoir recevoir monsieur le ministre. Vivement, Paulin Broquet reprit le papier glacé des mains de monsieur Desboisbilly. Il le glissa dans sa poche. Puis, s'approchant de monsieur Desboisbilly, au moment où celui-ci allait pénétrer dans la chambre du blessé, rapidement, il lui glissa à l'oreille. « Ce parfum blond, spécial, unique, monsieur le ministre, entre tous facilement reconnu, cette senteur aussi perfide qu'exquise, est le parfum blond dont sont fortement imprégnés l'enveloppe et les documents qu'elle contient, les papiers livrés à l'étranger et qui sont revenus ce matin au ministère, documents que j'ai trouvés dans la poche de M. Simonet. » Le ministre tressaillit. Il lui voulut parler, demander d'autres détails au détective, mais il n'en eut pas le temps. Simonet l'avait aperçu et déjà disait l'orgueil, la joie que lui causait cette bonne visite. M. Desboisbilly dut s'avancer. Il alla jusqu'au lit de son malheureux parent, et faisant effort sur lui-même, malgré le trouble, l'angoisse qui étreignait son âme, il lui serra longuement, affectueusement les mains. « Notre brave Paulin Broquet, ma compagne, » dit après ses épanchements le ministre, s'écartant pour permettre au détective d'avancer. Paulin Broquet se tenait un peu en arrière, à l'écart, par discrétion, et parce que des yeux maintenant, je n'ose plus dire du nez, il cherchait dans la chambre. Il espérait y trouver, sinon la femme aux yeux de pie elle-même, tout au moins de nouvelles traces de son récent séjour. Un fauteuil se trouvait auprès du chevet du blessé. C'est dans ce fauteuil que, il n'y avait certainement pas longtemps, devait se trouver Madame Varsovia. Mais le fauteuil était vide. « Par où a-t-elle filé ?» se demandait Paulin Broquet. Dans la chambre, cependant, à défaut de la jolie femme, les yeux du détective aperçurent un homme laid. La comtesse Varsovia, blonde, rieuse, était absente, et long, maigre et triste comme un héron en novembre, le baron de la Roucoulière se trouvait là. Quand le ministre entra dans la chambre, le baron redressa son échine qui grinçait, et ayant pris congé du blessé, il se retirait. Il déplaisait fort au baron de la Roucoulière de se rencontrer, lui, royaliste, lui, légitimiste, avec un ministre de la République. La Roucoulière affirmait, et se faisait fort de le prouver, qu'il avait du sang royal dans les veines, du sang du roi Vert-Galant. L'histoire de France n'a pas précisément enregistré le fait, mais le baron le proclamait. Au cours d'un passage en Périgord, le roi Henri couche au manoir de la Roucoulière. Tout manoir qui se respecte en France doit posséder la chambre où Henri IV a couché, si bien qu'en additionnant les nuits où le roi Henri a honoré ses manoirs, on trouve que le Béarnais a dû vivre 100 ans, et qu'il n'a jamais couché chez lui. Cependant, la bonne tradition veut qu'à la Roucoulière, le soir où il se coucha, après la soupe aux choux, le pâté de foie gras et la saucisse truffée, le roi Henri, de galante humeur, honora la baronne d'alors d'un regard dont le baron actuel rappelait le souvenir. Vraiment, un homme qui, dans ses conditions, est lié à la maison de France, ne pouvait frayer avec un ministre d'un gouvernement que lui, la Roucoulière, se refusait à reconnaître. Toutefois, sa noblesse lui permit de dire au ministre, pour expliquer sa présence en ce lieu, chez un fonctionnaire de la République, « Je me trouvais à peu près derrière M. Simonet quand cet odieux et inexplicable attentat a eu lieu. Je venais dire à la victime combien j'ai regretté de ne pas avoir vu le geste de l'assassin. J'eusse arrêté son bras, et aujourd'hui le coupable serait entre les mains de la justice. » Saluant, il ajouta, « Je suis venu aussi pour formuler mes vœux de prompt rétablissement. » Il daigna incliner légèrement son échine devant le ministre, et redressant ensuite son torse étroit, allongeant ses maigres jambes et raidissant ses jarrets ensablés, il se dirigea vers la porte, de ce pas qu'il tenait de ses aïeux, du pas que les gardes du corps prenaient dans les couloirs de Versailles, derrière le roi Soleil. « Je reconduis le baron, » dit Paulin Broquet. Le détective profita de ce départ pour laisser un moment seul le ministre et son chef de cabinet. Entre M. Desboisbilly et lui, il avait été, en venant ici, convenu que Paulin Broquet seul poserait les questions au sujet de l'enveloppe et des documents. Mais il se pouvait que Simonet eût quelques aveux, certaines confidences à faire à son chef. En outre, pour permettre à la Roucoulière de sortir, il devait lui ouvrir la porte puisqu'il avait la clé dans sa poche. Donc maintenant il s'engageait dans le couloir antichambre derrière le baron. Naturellement, Paulin Broquet était au courant, dans leurs moindres détails, des mésaventures de la Roucoulière dans son amour pour la belle Pépa. Il connaissait la rivalité du baron et de Simonet, les pourparlers entamés pour le duel, la constitution des témoins de la Roucoulière. Aussi crut-il dire sérieusement à ce fantoche, « Ce que vous faites, monsieur de la Roucoulière, est d'un parfait gentilhomme. Devant le malheur, vous oubliez vos griefs contre le blessé. C'est un trait de vaillance digne de la bonne époque. » « Monsieur, répondit le baron, je suis heureux d'être certain maintenant que monsieur Simonet échappera au coup de couteau, parce que c'est de ma main seulement qu'il doit périr, non dans un fauteuil d'opéra la nuit, mais en champ clos, sous le clair soleil. » « Le coup de la Roucoulière ? » fit Paulin Broquet. « Oui, monsieur, » affirma le baron, relevant fièrement la tête. Paulin Broquet s'inclina, ayant peine à garder son sérieux. Il ouvrit la porte et laissa passer ce spadassin imaginaire qu'elle apprend dans l'ascenseur, afin de ménager ses jarrets qu'on entendait craquer comme des brindilles de bois mort sur lesquels on marche dans un sentier en forêt. Derrière lui, il referma la porte d'entrée, mais il ne revint pas vers la chambre de Simonet.